Rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa force, ni sa faiblesse, ni son cœur quand il croit ouvrir ses bras, son ombre est celle d'une croix. Et quand il veut serrer son bonheur, il le broie. Sa vie est un étrange et douloureux divorce. Il n'y a pas d'amour heureux. Sa vie, elle ressemble à ces soldats sans âme qu'on avait habillés pour un autre destin. À quoi peut leur servir de se lever le matin? Eux qu'on retrouve au soir, désormais incertains, dites ces mots, ma vie, et retenez vos larmes. Il n'y a pas d'amour. Mon bel amour, mon cher amour, ma déchirure, je te porte en moi comme un oiseau blessé, et cela sans savoir au regard du passé. Répétant après moi ces mots que j'ai tressés et qui pour tes grands yeux tout aussitôt murmurent. Il n'y a pas d'amour. Le temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard. Que pleure dans la nuit nos cœurs à l'unisson ce qu'il faut de malheur pour l'amour de chanson. Ce qu'il faut de regret pour payer un frisson, ce qu'il faut de sanglots pour un air de guitare. Il n'y a pas d'amour heureux. Il n'y a pas d'amour qui ne soit à douleur. Il n'y a pas d'amour dont on ne soit meurtri. Il n'y a pas d'amour dont on ne soit flétri. Et pas plus que de toi, l'amour de la patrie. Il n'y a pas d'amour qui ne vive de pleurs. Il n'y a pas d'amour. Mais c'est notre amour à tous deux.